Chapitre 4. Seigneur, Eléar Ilmorienval représente un danger pour l'Empire. Plus sérieux encore que la menace Tish, car c'est un danger insidieux qui nous menace de l'intérieur. Maître Carboast, courrier au seigneur d'Alvor, Saï Ilmeran. Les plateformes avaient été démontées, le chariot chargé. Salim dormait toujours. Il n'avait pas bougé de la nuit et n'avait pas bronché lorsque Maniel l'avait descendu de l'arbre. Maître Douaume était serein, ce qui rassura Camille. Encore bouleversée par sa découverte, elle ne trouvait pas les mots pour en parler à ses compagnons. Une question revenait sans cesse à son esprit. Était-il possible que Merwin ait été le Merlin des légendes de l'autre monde ? Pendant de longues soirées solitaires dans la bibliothèque des Duciel, elle s'était passionnée pour les aventures des chevaliers de la Table Ronde et de Merlin l'Enchanteur. Elle connaissait parfaitement l'amour éperdu qui liait ce dernier à la fée Viviane. De telles correspondances entre les noms pouvaient-elles être de simples coïncidences ? Elle décida de questionner discrètement Maître Douaume, mais il était en grande conversation avec Edwin et Elana. « Impossible de gagner la citadelle à pied », affirmait le vieil analyste. « C'est pourtant ce que nous allons faire », rétorqua Edwin. « Partir à la recherche des chevaux serait une erreur. Cela nous obligerait à diviser nos forces et à prendre des risques inconsidérés. » « Mais Salim dort toujours », insista Maître Douaume. « Comment allons-nous le transporter ?» « Il nous reste Murmure, » intervint Elana. « Il ne sera pas ravi de tirer le chariot, mais il le fera. Nous y placerons Salim. »« Edwin, la citadelle est-elle encore loin ?»« Au moins 3 jours à pied. »« Plus, si le temps se gâte. » Camille les interrompit. « Vous croyez qu'ils s'en sont sortis ? Je parle d'Aquarelle et des autres chevaux. » Edwin écarta les bras en signe d'ignorance. « Impossible à dire. Ils avaient une bonne avance sur les loups et rien ne permet de penser que ceux-ci aient repris la traque. Mais les marches du Nord sont un territoire sauvage où les dangers abondent. » Camille sentit une pointe d'inquiétude s'infiltrer dans son ventre. Imaginer Aquarelle aux prises avec de féroces carnassiers la fit frissonner. Elana perçut son trouble et la réconforta. « Ne t'inquiète pas, ta jument est sacrément maligne. » Je suis certaine qu'elle s'en sortira. » Maniel allongea Salim dans le chariot et Maître Douaume prit les rênes. La troupe, de nouveau au complet, se mit en marche. Le paysage était magnifique, le ciel d'un bleu presque marine. Un soleil éclatant se réverbérait sur la neige qui déjà commençait à fondre. Les bois ressortaient en taches d'un vert profond et à quelques kilomètres au nord, la chaîne du pôle dressait ses pics orgueilleux au col inaccessible. Murmure tirait vaillamment le chariot. La terre détrempée lui imposait une allure modérée qui permettait aux marcheurs de le suivre sans difficulté. De temps en temps, Camille se penchait par-dessus les ridelles pour observer Salim. Il n'avait pas remué depuis que Maniel l'avait déposé là. Sa respiration était toujours régulière et le ronflement plus marqué qui s'échappait de ses lèvres lui tira un sourire. Elle interrogea Maître Douaume. « Croyez-vous qu'il se réveillera bientôt ?»« Honnêtement, Ewilan, je l'ignore. J'ai entendu parler de cas identiques à celui-ci, mais je n'en avais encore jamais rencontré. Je suis convaincue qu'il ne faut pas s'inquiéter. Merwin Ril Avalon a sauvé les humains quand ils étaient opprimés par les Tzlich. Il a passé toute son existence à œuvrer pour le bien. Je refuse de croire que son héritage est un effet néfaste. » « Qui était Viviane ?» demanda brusquement Camille. Maître Douaume lui jeta un regard étonné. « Qui t'a parlé d'elle ?» Elle hésita une seconde, puis se jeta à l'eau. « Ce matin, dans le bois, un dessin a basculé dans la réalité. Enfin, pas vraiment. Personne n'était là pour le créer. Il avait déjà sa propre existence. Je dirais plutôt qu'il est apparu tout simplement. C'était un tombeau. Une femme très belle y reposait. J'ai senti le pouvoir qui se manifestait. Un pouvoir énorme, supérieur à celui de tous les Tzlich réunis, je crois. Presque aussi prodigieux que celui de la dame et du dragon. J'ai alors entendu un appel, une plainte, un nom. Viviane. Il y avait tellement de force dans ce cri, tellement de désespoir. Maître Douhomme, plongé dans ses pensées, ne répondit pas tout de suite. Quand il prit finalement la parole, ce fut sur un ton mesuré. « Tu as beaucoup de chance. Personne ne connaît avec exactitude les origines de Merwin, ou du moins ne se les rappelle. Il est arrivé au moment où l'humanité vivait une de ses périodes les plus noires, et il a apporté l'espoir, puis la victoire. Rares sont les légendes qui ne l'évoquent pas. Et si bien des empereurs sont aujourd'hui oubliés, le souvenir de Merwin perdure alors qu'il est mort il y a 1500 ans. Tu sais comment il a brisé le verrou de Slich, mais tu ignores que peu après avoir été chassé des spires, les guerriers lézards qui se savaient incapables de vaincre Merwin dans un affrontement direct ont décidé de se débarrasser de lui par la ruse. Ils ont donc uni leurs pouvoirs afin de dessiner un être vivant. C'est possible ? Ça ne devrait pas l'être, mais ils l'ont fait. Ils ont créé l'entité qui causerait la perte de Merwin. Un monstre ? Non, une femme. Viviane. Mais c'est insensé ! S'insurgea Camille. Je l'ai vue, elle est si belle, si douce ! Là résidait justement le piège. La création des Tsich devait être parfaite pour que Merwin succombe à son charme. Le piège a fonctionné ? Oui. Personne ne pouvait voir Viviane sans devenir son esclave. Mais elle n'était pas humaine. Qu'importe. Elle semblait plus qu'humaine. La perfection faite femme. Camille était pendue aux lèvres de Maître Douhomme, vibrant aux accents d'une histoire survenue 15 siècles plus tôt. Les Tsich avaient compté sans la puissance de Merwin, poursuivit l'analyste. Dès qu'il aperçut Viviane, il comprit qui elle était, qui la manipulait. Pourtant, le piège se referma sur lui. Elle ravit son âme et son cœur aussi facilement qu'une araignée attrape une mouche. Mais il était Merwin Rhyl Avalon. Il arracha leur création aux guerriers lézards. Il rompit les liens grâce auxquels il manipulait Viviane. Il la libéra et lui offrit son amour. « C'est merveilleux !» s'exclama Camille. Oui, Merwin et Viviane vécurent 10 ans d'un bonheur si total qu'aujourd'hui encore on le célèbre comme un modèle d'absolu. Puis, la malédiction de Slich les rattrapa. « Que s'est-il passé ?» Viviane n'était pas un véritable être humain. Elle avait été créée, même si Merwin lui avait offert la liberté. Ils savaient l'un et l'autre que son existence n'avait pas vraiment de réalité, qu'elle était vouée à disparaître, comme tous les desseins. « On peut imaginer des choses éternelles !» se révolta Camille. « Vous me l'avez enseigné ! Les tours d'Aljet, larges ! La porte de saphir ! » !»« Des objets, Willan, pas des êtres vivants. Dessiner un être humain est quasiment impossible. Vouloir le maintenir réel plus de quelques jours est chimérique. » Et vous avez déclaré qu'ils avaient vécu 10 années de bonheur ? Oui, le pouvoir de Merwin et la force de l'amour ont permis ce miracle. Puis un jour, Viviane a cessé d'être, tout simplement. Camille sentit une boule se nouer dans son ventre. Elle avait beau se répéter que cette histoire s'était déroulée 15 siècles plus tôt, la tristesse la submergeait. « Et Merwin ? » demanda-t-elle. « Qu'est-il devenu ?» Il a disparu. D'aucuns soutiennent qu'il est devenu fou de chagrin. Que ses larmes ont créé le lac Chen. Que sa colère a fait jaillir la chaîne du pôle. Ce ne sont que des légendes. La seule certitude, c'est qu'il ne s'est plus jamais manifesté. Camille ferma les yeux. Elle ne voulait pas que l'analyste la trouve ridicule en découvrant les larmes qu'elle sentait poindre. « C'est injuste !» proféra-t-elle en s'écartant. Maître Douhomme ne répondit pas. Il fallut plus d'une heure à Camille pour retrouver sa sérénité. Elle ne regrettait pas d'avoir passé sous silence la légende de Merlin et Viviane. La réalité à la Virienne était tellement plus belle.